Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans Caprice de lecture, où aujourd'hui nous allons pas parler d'un roman, mais d'un recueil de nouvelles, en la présence de Benoît Fourchard. Bonjour Benoît. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien. Je suis ravie de te recevoir pour la troisième fois, je crois. Troisième ou quatrième fois ? J'avoue que je n'ai pas compté. Pas compté. Tellement le bonheur est grand de venir nous retrouver. Oui, oui. Comme on dit, il n'est pas toujours question de livres, mais aussi d'événements qui se passent sur Nancy. Et voilà, et alentour, donc. Alors Benoît, aujourd'hui, on va parler donc d'un recueil de nouvelles qui sont rééditées aux éditions de La Lanterne, Anamorphose et Pas de côté, qui est sorti donc le 27 février 2025 pour 27 nouvelles. Alors on va commencer tout de suite. Pourquoi la réédition de ces nouvelles et puis 27 éditées un 27 février ? Est-ce que c'est le fruit du hasard, on va dire, ou... On va dire le pur fruit du hasard, pour ne pas faire de jeu de mots. Ouais, oui, oui. Ouais. Et du coup, les nouvelles rééditées, pourquoi plus celle-là ? Parce que tu as un panel de production littéraire assez conséquente. Pourquoi plus celle-là ? Pourquoi pas d'autres ? Pourquoi, voilà. Alors, il se trouve que ce nouveau recueil, c'est la compilation de trois recueils qui ont été publiés entre 2005 et 2013 aux éditions de La Dragonne, de Nancy. Maison d'édition qui a fermé ses portes il y a quelques années. Okay. Donc, ces trois livres étaient maintenant devenus introuvables, en quelque sorte. Donc, impossible à commander, même impossible ailleurs, où voilà, c'était terminé. Ils étaient épuisés, pas réimprimés, etc. Comment La Dragonne avait cessé son activité. Donc, ma nouvelle éditrice de nouvelles, avec laquelle je travaille depuis l'année dernière, avec laquelle j'ai fait Indéfectible en 2024, m'a proposé de rééditer ces trois nouvelles, moyennant, c'était même un souhait de ma part, un petit ripollinage, on va dire, une petite remise à jour pour certaines nouvelles. Au départ, sur les trois recueils, il y avait 30 textes. Il n'en reste plus que 27. Ouais. Pour des raisons diverses, il y a un des textes qui s'appelait « Les baskets du Père Noël » et qui a fait l'objet d'un roman jeunesse, donc qui avait été retravaillé. Mais on s'est dit que ce n'est peut-être pas la peine de la remettre dans le recueil. Donc voilà la raison pour laquelle... Et puis, il se trouve que plein de ces nouvelles restent quand même, je pense, dans l'air du temps et au goût du jour, quoi. Alors, justement, tu parlais de ripollinage ou de relecture. Tu relis toutes les nouvelles. Est-ce qu'il y a des choses que tu as écrites il y a quelques temps qui te paraissent peut-être pas bien formulées ou des paragraphes peut-être à rajouter ? Ça se passe comment quand on ripolline ou qu'on porte un œil neuf, justement, sur des nouvelles qu'on a écrites il y a peut-être une petite dizaine d'années ? Voire même une vingtaine d'années. Ouais, parce que 2005, oui. Le premier recueil s'appelait « La viande rouge rend très habile ». Mais ça, par exemple, ce texte-là, cette nouvelle-là, j'avais plus envie parce que, le sujet, tout ça ne me convenait plus. Ça ne correspondait plus. Oui, ou c'était plus ce que j'aurais envie de dire maintenant, aujourd'hui. Ouais. OK. Donc, je l'ai enlevé et j'ai d'ailleurs changé le titre. En fait, c'est le recueil est séparé en trois livres. Oui. Donc, le premier s'appelle Mu. Oui. Donc, c'est un peu une histoire de métamorphose, on va dire, de choses un peu fantastiques comme ça. Voilà, le deuxième s'appelle Illusion ou réalité. Et le troisième, Excursus, donc qui est le titre que portait le recueil d'origine. Okay. Qui était paru en 2013. D'accord. Alors justement, tu parlais de trois parties qui relatent des tranches de vie. Alors moi, je trouve parfois drôle et parfois c'est troublant. Moi, j'ai beaucoup aimé Une maison bien tenue. J'ai adoré cette nouvelle. Une maison bien tenue. Est-ce que c'est un peu... Est-ce que l'écriture de ces nouvelles, moi, ça m'a fait penser à des fables modernes ? Est-ce que c'était l'objectif ? Il y a toujours une petite leçon de morale à la fin, ou toujours un petit truc à retenir. Je ne dirais pas que c'est une leçon de morale, hein. J'essaye justement de ne pas être... Alors, c'est peut-être pas le bon terme, mais tu sais, une petite règle à retenir, une petite leçon, quelque chose comme ça. Parce que dans une maison bien tenue, C'est sûr que extraordinaire. Cette nouvelle donc, qui parle en gros d'une femme qui est maltraitée par son mari, très maltraitée... Oui. Et qui découvre au fur et à mesure qu'en fait, il a aussi une autre vie. Il a une double vie. Il a une double vie, en quelque sorte. Alors, il n'y a pas vraiment de morale, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir de personnages et de montrer en quoi l'histoire qu'ils racontent, en quelque sorte, a une certaine volonté d'universalité, on va dire. Ouais. D'accord. Cette histoire de maltraitance conjugale, on le retrouve aussi dans certaines nouvelles de l'Indéfectible, oui, ou dans d'autres nouvelles de ce recueil. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, j'imagine. Ouais. Mais il n'y a pas de volonté de morale. Il y a plutôt, comme souvent dans les nouvelles, une idée de créer un petit effet à la fin, ce qu'on appelle une chute, ouais, qui est parfois un twist ou parfois qui est relativement neutre. Hein. C'est ouais, pas, il n'y a pas de volonté. J'essaie de ne pas construire les nouvelles comme la précédente, c'est-à-dire oui, vraiment à chaque fois être dans un univers un peu différent, une structure différente, un style différent. Bah, comme Alice et les œufs, par exemple. Alicia et les œufs. J'ai adoré. Ben, je veux dire, cet effet. On va pas spoiler évidemment les histoires, mais cet effet de cet homme chauve qu'elle voit et le parallèle qui est fait avec les œufs, mais moi je trouve ça extraordinaire. J'avais l'impression d'être dans Alice au pays des merveilles, dans un truc complètement déjanté en fait. Enfin, c'était parce qu'il y a quand même des nouvelles où alors on rit beaucoup. Quelquefois on rit jaune, quelquefois on rit pas du tout. Et c'est tout l'attrait justement de ce recueil, c'est-à-dire que on tourne les pages et on ne sait pas ce qui nous attend après. C'est un peu l'idée, c'est aussi très dynamique, je trouve, comme lecture. Ben, merci. Ouais, et puis, travaillant dans le monde culturel, plus particulièrement des livres, c'est des livres que moi, je conseille souvent à des lecteurs qui ont décroché la lecture de romans pour plein de raisons, hein, que ça peut être par manque de temps ou qui ne trouvent pas ce qu'ils souhaitent lire. Et du coup, je trouve qu'en lisant des nouvelles, déjà, c'est frais, ça fait du bien, c'est court, et puis on n'est pas obligé de lire forcément dans l'ordre. Et c'est très intéressant parce que ça joue aussi un peu avec nos émotions ou peut-être le côté affectif qu'on peut avoir sur certaines choses et pas sur d'autres. Bien sûr. Ça vient nous chercher, ça vient nous titiller quand même. Oui, et puis c'est l'idée générale de la nouvelle que je défends par ailleurs en tant que comédien, oui, lecteur. Oui. Les festivals 12 000 signes. Voilà, le festival 12 000 signes, on défend tout un tas plein d'auteurs de nouvelles, parce qu'il me semble justement qu'avec la nouvelle, et souvent on en parle d'ailleurs à des collégiens ou des lycéens, parce que c'est un format qui permet justement, effectivement, c'est lu en un quart d'heure, 20 minutes, donc c'est le format qui pourrait être totalement dans l'air du temps. Oui. Et pourtant, la nouvelle reste un genre tout à fait dénigré par les médias, à part par Radio, oui, Fadjet. Vraiment. Mais très souvent, les médias, les éditeurs ont beaucoup de mal à publier de la nouvelle. Il n'y a jamais un rayon nouvelle dans les librairies. C'est vrai. Si vous cherchez, si vous êtes adepte de nouvelles, bah vous ne trouverez pas un rayon nouvelle dans aucune librairie. C'est confondu avec le roman. Exactement. Et tout ça fait qu'on a envie de défendre la nouvelle, oui, qui est effectivement un genre à part entière. Ce n'est pas du tout un sous-genre. Ce n'est pas une rampe de lancement pour un roman. Oui. Hein, moi, parallèlement, je fais... Oui. J'écris aussi des romans. C'est une autre approche, une autre écriture, d'autres sujets, une autre énergie, effectivement. Tu parlais d'énergie. Ah oui, moi j'aime bien. Ça crée un côté dynamique, en fait. Exactement. Ça, j'aime bien. Et pourtant, tu disais, la nouvelle, c'est assez dénigré. Il y a un florilège de concours de nouvelles. Oui. Qui existe partout. C'est vraiment le côté contradictoire. Tout à fait. De ce format. Mais il y a peu d'auteurs de nouvelles reconnus comme tels en France. Il y en a plein dans les pays anglo-saxons, en Angleterre, en Irlande, aux États-Unis. Et chez nous, non. Chez nous, on a un peu de mal. Les auteurs de nouvelles qui sont reconnus comme auteurs de nouvelles, c'est parce qu'ils sont aussi auteurs de romans. Ouais, d'accord. Comme si on, un petit peu dans l'imaginaire collectif ou du milieu littéraire, on pensait que le roman était plus qualitatif qu'une bonne nouvelle. Exactement. Pourtant, une bonne nouvelle, ça fait nous. C'est plutôt bien en ce moment. Alors, on va faire une première coupure musicale avec un morceau de ton choix, Goran Bregovic pour Kalachnikov, In Underground. Pourquoi ce choix? Alors, c'est un classique, hein. Oui. On va tout de suite le reconnaître. Et... En fait, il se trouve que la deuxième partie du recueil, tous les textes sont enchâssés les uns dans les autres, avec des personnages principaux qui deviennent personnages secondaires, oui, et tous... Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure que je l'écrivais, mais du coup, je me suis fixé ça comme une sorte de règle. Tous, à un moment, passent par une fête foraine où ils croisent un orchestre de tziganes totalement déjanté. Ok. Et du coup, je me suis dit, ça illustre un petit peu cette partie. Tu as écouté cette musique en écrivant ou ça fait. Je crois que c'est plus ancien encore. Ça date des années 90. Oui. Et puis ça, je peux pas. Quand je travaille en musique, c'est pas avec ce genre de musique qui. Ouais. Assez déjanté quand même et. C'est presque du punk tzigane, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ok, d'accord. On va dire punk tzigane et on se retrouve juste après. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission, toujours en présence de Benoît Fourchard, qui est resté parmi nous, donc c'est que ça va. Tout va bien. Tout va bien. Donc pour le recueil de nouvelles Anamorphose et Pas de côté, 27 nouvelles sorties dans les meilleures librairies le 27 février 2025. Alors Benoît, tu nous offres dans ce recueil de nouvelles différentes visions de notre société actuelle, même si c'est effectivement, comme tu le disais précédemment, deux recueils qui ont été retravaillés et mis ensemble, avec, pour certains, il y a une vingtaine d'années, pour d'autres, une dizaine d'années. Quelles sont tes sources d'inspiration? Alors, elles sont multiples. Oui. C'est toujours une question assez compliquée, et ça peut tenir à rien du tout. Est-ce que tu observes des fois dans la rue quelque chose ça peut très bien m'arriver de croiser le regard de quelqu'un, ou de... Par exemple, la troisième partie du recueil qui s'appelle Excursus, ouais, est construite sur l'idée de... Excursus, ça veut dire en quelque sorte une digression de quelques secondes. C'est-à-dire, on croise quelqu'un dans la rue, on a l'impression de l'avoir vu, puis il y a toute une histoire qui se déroule. Oui. C'est un petit peu comme ça que chacune, ouais, des histoires est construite. Donc, ça peut être... Donc, à chaque fois que j'ai une idée, je la note. Ouais. Après, je la développe. Parfois, je l'abandonne. Mais ça peut être toutes sortes de sources d'inspiration. Et évidemment, ce qui m'inspire beaucoup, c'est, comme tu disais, le monde d'aujourd'hui. Ouais. Je sais pas, je prends par exemple... une nouvelle qui s'appelle « Comme sur des roulettes », qui a effectivement une vingtaine d'années, qui est complètement inspirée par une personne qu'on connaît ici à, ouais, Nancy. D'accord. Une personne handicapée sur un fauteuil roulant. Ouais. Une personne qui a une maladie qui s'appelle les os de verre, oui, qui doit peser à peu près 20-25 kilos. Ouais. Et donc, quand on se déplace avec elle, on se rend compte de toutes les difficultés oui. qu'elle croise avec son fauteuil oui. roulant quand elle passe sur un trottoir. Moi, j'ai adoré. Oui, bah oui, et puis évidemment, alors là, on est dans un... Et ça a pris une ampleur bien pas sûr. Possible, c'était trop... L'idée, c'est de transformer cette petite mini-tragédie. Parce qu'au début de la nouvelle, on ne sait pas. On ne sait pas où on va, non ? On ne sait pas où on va, on ne sait pas que la personne est en fauteuil roulant. On se doute, mais on n'est pas sûr, ouais. quand même. Et c'est en allant de plus en plus loin, ça crée des embouteillages pas possibles, voilà, des déviations. Ça bloque toute la ville. Et c'est un truc... XXL, quoi. Enfin, moi, je trouve ça génial. Là, pour dire, par exemple, la source d'inspiration, elle est claire et nette, c'est cette personne, en l'occurrence. Mais bon, chacune des histoires est inspirée par toutes mes préoccupations ouais. aussi, de l'ordre même social, politique, oui. écologique, etc. Il y a un petit peu de toi dans chaque nouvelle, où tu fais passer des messages ou... Je ne cherche pas à faire passer des messages. J'essaie justement de ne pas être trop didactique, ni... ouais. mais de que ça soit les personnages ou l'histoire qui disent « Ah bah oui, comme ci ou comme ça, ouais. J'essaie de ne pas être lourd dans le... » Bah ça ne l'est pas, c'est sûr. Alors il y a des choses qui m'appartiennent un peu plus, c'est vrai. Ouais. Par exemple, il y a une nouvelle qui s'appelle « Le Prieuré oui. », donc, qui raconte l'histoire d'un jeune qui part en pension dans les années 70 dans un collège qui n'est pas Bétarame. Mais qui pourrait ressembler quelque part. Ouais. Et là, évidemment, il y a des choses. C'est pas du tout. C'est une fiction. Oui, oui. Mais il n'empêche qu'il y a un décor, il y a une ouais. situation que j'ai moi-même côtoyée. Il y a une ambiance. Une ambiance. Parce que c'est justement l'objet de ma quatrième question. Quand on lit les différentes nouvelles, on se sent. Moi, je me suis sentie quelquefois toute petite. Par exemple, une banalité devient un fait divers. Une égratignure transforme une personne. D'ailleurs, c'est la première, une petite égratignure. On ne sait pas où on va du tout. Ça paraît... Voilà, cette personne se réveille un matin, il se passe quelque chose, il sent quelque chose qui est un peu bizarre, mais ça ne l'empêche pas de vivre. Il montre à sa femme qui dit « Oh, mais voilà, elle va chez le médecin. » Enfin bref, elle le houspille un peu, comme toutes les femmes peuvent être avec leur mari qui se plaignent tout le temps quand ils sont malades. Et petit à petit... Les maris qui se plaignent, tu veux dire ? Oui, les maris se plaignent. Ils sont malades, il y a le nez bouché. Enfin bon, bref. Et là, sa femme le houspille un peu. Ils sont pris un peu dans la vie, dans le tourbillon de la vie quotidienne, hein, le travail, les enfants, etc. Et petit à petit, cette petite égratignure prend de l'ampleur. Elle est pas... Mais cette ampleur n'est pas que corporelle non plus. Et je trouve ça quand même assez extraordinaire parce qu'on pourrait... Je prends cet exemple-là parce que cette nouvelle m'a vraiment marquée. C'est comme si, par exemple, on substituait la construction de cette nouvelle à « il y a de la famine dans le monde, cette famine prend de l'ampleur » et comme si derrière, il y avait, je ne sais pas comment l'expliquer, tu sais, comme s'il y avait un fait de société qui pouvait prendre de l'ampleur. Ben, c'est un peu l'idée à chaque fois, malgré tout, si j'essaye de tirer un petit peu ouais. une cohérence dans toutes les histoires. Ouais, je me dis, tu fais d'un petit événement. Quelque chose d'un peu plus universel. Un truc qui devient très universel et qui prend des... On ne peut plus contrôler, en fait. Voilà, c'était ça. On ne peut plus contrôler l'événement. Cela dit, quand je parle d'universel, c'est en toute humilité. Oui, oui, oui. Il ne s'agit pas de dire... c'est pas non plus un ouvrage philosophique, oui. bien sûr. Mais par exemple, dans cette nouvelle, qui est la première, effectivement, du recueil, l'idée, c'est aussi de parler du rapport homme-femme et du genre. Oui. Quand, sans dévoiler ce qui se passe, mais c'est... Moi, j'ai toujours peur d'en dire trop, c'est pour ça. Toute la question est de... Quel est mon genre ? Ben, c'est un homme, voilà, qui a trois enfants, etc. Enfin, il y a tout un... Installé dans la vie sociale, culturelle, enfin, voilà, quoi. La problématique qui se pose de sa posture masculine, oui. quoi, par rapport à... Voilà, mais chacune des histoires, effectivement, aborde un sujet, comme ça, sans en faire quelque chose de didactique, mais en même temps, j'ai toujours envie de raconter des choses qui dépassent la simple anecdote. Quoi. Ouais. C'est puis, un peu le but de l'écriture en général. Moi, ça m'a beaucoup interrogée aussi sur notre place dans le monde. Parce que quelquefois, on fait un drame d'un truc qui n'a pas forcément de conséquences. Enfin, je veux dire, demain, la Terre continuera de tourner, le soleil se lèvera au même endroit, se couchera au même endroit. Enfin, et je trouve ça très intéressant, même si... les futurs lecteurs ou les lecteurs actuels ne piocheraient que quelques nouvelles, je trouve que ça nous remet un petit peu d'aplomb sur notre place qu'on s'accorde dans le monde et comment les autres peuvent nous percevoir aussi. C'est ça qui est très intéressant dans les nouvelles, c'est qu'on voit tout avec notre propre carte du monde. Et toi, dans les nouvelles, en fait, tu nous sors un peu de cette zone de confort, de cette carte en nous disant « regarde ce qui peut arriver » ou « regarde, il peut exister des gens comme ça » ou « avec telle personnalité ». Enfin voilà, je trouve ça hyper intéressant. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, merci. C'est très, très intéressant. L'idée, de toute façon, que ça soit dans la nouvelle ou dans les romans jeunesse, par exemple, ouais. ou dans les romans en général, oui. ou même dans les pièces de théâtre que j'ai eu l'occasion d'écrire, très, très nombreuses. Oui. L'idée, c'est quand même toujours de faire raconter l'histoire par les yeux d'un personnage qui n'est pas moi. C'est-à-dire ouais. ça peut être un enfant, ça peut être une femme, ça peut être un... Enfin, et d'essayer, de, sans m'approprier, mais d'essayer de comprendre comment le personnage en question perçoit le monde extérieur. Ce oui. qui fait que ça l'élargit un petit peu par rapport à sa propre vision du monde. Et est-ce que toi, du coup, ça libère ton écriture, le fait de faire parler un personnage ? Ah bah oui, bien ça sûr. Ça libère. Non seulement ça la libère, mais en plus ça me libère moi de oui. plein de choses. Ouais. De, il rend bien service, hein, ce personnage fictif. Ben, bien sûr. Ben, si je crois, je ne sais pas, mais je ne parle que pour moi, mais je crois que l'intérêt de la lecture, enfin, ouais. c'est aussi c'est la ça. Lecture de l'écriture. Oui, c'est ça. C'est aussi de pouvoir, comment dire, entrer dans un autre univers qui n'est pas le sien, et en même temps de dire tout ce qu'on a un peu envie de dire. C'est une forme un peu de psychanalyse, mais ouais. sans parler de soi. Enfin, oui, après, je comprends. Chaque auteur fait comme oui. il veut, mais c'est vrai que moi, l'idée, c'est que... toutes les histoires que je raconte, que j'écris, ne sont pas de l'autofiction. Ouais. Je pense que notre imaginaire est plus riche que notre vie, oui. si je puis dire. Totalement. Moi, je suis d'accord. Sur ces belles paroles, nous allons faire une deuxième coupure musicale, toujours de ton choix, Benoît. Donc, c'est Massive Attack, pardon, avec Pray of Rain. Alors, c'est un morceau... J'ai beaucoup de mal à expliquer pourquoi j'ai choisi ça, parce qu'en fait, c'est le morceau qui m'a habité... pour l'une des nouvelles qui s'appelle Ferry de nuit, ouais. où c'est une femme qui va rejoindre son mari en Corse, donc elle rentre dans le bateau, etc. Oui. Et je ne sais pas pourquoi, tout le temps qu'elle passe à attendre, il y a un gros embouteillage, il fait très chaud, etc., avant de rentrer dans le ferry, j'avais cette musique en tête. Je ne sais pas pour okay. quelle raison, c'est totalement bon. Irrationnel. Mais voilà, donc c'est Massive Attack, c'est un groupe que j'aime particulièrement aussi. Ok, et on revient juste après. As they turn to pray. drops on rocks fall fast and fleeting. Hearts and wings commence to beating. What's unseen with all believing? Vision walls fall all receding. Vision walls fall all receding. Drops on rocks come fast and fleeting. Prise de lecture sur Fadjet. De retour pour cette troisième et dernière partie d'émission de Caprice de lecture, toujours en présence de Benoît Fourchard pour Anamorphose et Pas de côté, qui est un recueil de 27 nouvelles, édité le 27 février aux éditions de La Lanterne. Alors Benoît, pour terminer, est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs si tu as un livre en cours, sorti pour quand, et puis un petit peu ton actualité et comment on peut te retrouver éventuellement sur les réseaux? La parole est à toi. Alors oui, il y a un livre jeunesse, ouais, nouveau, avec le seuil, avec lequel, une édition avec laquelle je travaille depuis, okay, quelques années. Depuis quelques temps déjà. Oui, oui, ça, ouais, fera le troisième roman que je fais avec eux. Super. Donc il y a eu, le premier s'appelait Chapeau de Tétragonie en 2017. Ouais. Après il y a eu Ida la Bleue qui est, ouais, paru en 2023, oui, dont on a parlé ici, dont je crois. Parlé. Et là, donc, c'est ce troisième roman qui est un roman un peu plus court, qui au départ était même une longue nouvelle, une novella. Ok. Et finalement, comme j'ai proposé à Ousseuil, il m'a dit ça m'intéresse beaucoup, mais j'aimerais bien que ça soit un roman. Donc, tu l'as retravaillé. Coup, je l'ai retravaillé. Il a presque triplé de volume. Ouais. Donc, évidemment, j'ai développé tout un tas d'aspects de l'histoire. Ok. Ça s'appelle Jour de chasse à Florigny. Florigny, on ne sait pas où c'est. D'accord. En tout cas, ça parle de la chasse. Ok. Sujet évidemment polémique. Évidemment. Tu as vu ma tête. Les auditeurs ne voient pas, mais toi, tu la vois. Ok, donc ce serait une sortie en septembre ? Ça paraîtra en septembre, normalement, au moment du livre sur la place. Donc, d'accord. Avec la rentrée. Surtout, ce que l'éditrice a tenu à faire, c'est le faire paraître juste avant l'ouverture de la chasse. Je ne sais pas pour quelle raison, mais... Très bien. Excellente idée. Tu es une bonne éditrice. Si on veut te contacter sur les réseaux, suivre ton actualité, comment on fait ? Eh ben, j'ai un Instagram, okay, hein, Benoît Fourchard. Donc, ouais. Sinon, ben, prochainement, il y a un certain nombre de salons. Il y aura pas mal de petites choses qui sont en train de se discuter avec les librairies. Okay. Il y a eu récemment le salon de Besançon. Il y a eu un salon également à Lyon, oui, là, juste il y a 15 jours pour la parution. Voilà. J'ai vu sur ton Facebook. Voilà, oui, oui, tout à fait. Voilà. Et puis, ben, il y a après il y a un Facebook aussi qui annonce un petit peu, effectivement. De temps en temps, il y a la presse, ouais, qui relaie un petit peu les différentes... Toujours festival 12 000 signes cette année. Alors, ça va être un festival ultra light cette année. OK. Parce que, ben, il y a quelques petits soucis dans le milieu de la culture, oui, en ce moment. On connaît. On connaît, oui, oui. Donc, on sait qu'on va le faire. Mais pas avec, sous sa forme habituelle. Pas sous une grosse forme comme l'année dernière, okay, ou il y a deux ans. Là, on va vraiment se limiter à deux soirées. Ouais. On travaille aussi beaucoup avec les collèges et les lycées. D'ailleurs, on allait faire des lectures dans les collèges et lycées. D'accord. Mais il y a un souci avec Pass Culture. Oui, aussi. Donc, tout est fait pour que le festival... Et bien du mal à continuer ça. Bon, il aura lieu, sous une forme différente. Ça sera autour du 8-10 novembre, dans, okay, ces jours-là. D'accord. Mais voilà, ça va être une forme, cette année, très très light. Okay. On va voir ce que ça donne par la suite. Mais on croise les doigts. Ouais, on n'est pas très optimiste quand même. On croise les doigts quand même. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Merci. Merci à toi, Benoît, d'avoir été parmi nous pour ce caprice de lecture. Donc, je rappelle le nom de ton recueil, Anamorphose et Pas de côté. Recueil de nouvelles aux éditions de La Lanterne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux caprices de lecture. Au revoir. Au revoir.